L'identité. Activité 12. 1. Vous vous appelez comment? Je m'appelle Yin. Pardon? Comment ça s'écrit? Y-I-N. Votre nationalité? Je suis chinois. Deux. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Enrique. Enrique avec un H? Non, E-N-R-I-Q-U-E. Votre nationalité, s'il vous plaît? Je suis espagnol. Trois. Vous vous appelez comment? Je m'appelle Meiko. Épelez, s'il vous plaît. M-E-I-K-O. Vous êtes japonaise? Oui, je suis japonaise.